Let's go. Are we ready? Passez une bonne soirée, bienvenue. C'est comme chaque dimanche soir, Rail Suprême avec DJ Case. Et comment ouais. Ça va, Case? Très très bien, comme d'hab. Grande forme. Ah oui, il y a les vacances qui arrivent, il fait beau. La sortie aussi bientôt. La sortie bientôt, ouais, le 15 juin. Donc on a pu découvrir un peu quelques titres sur les réseaux sociaux, comme Juni G, Marc Déranger. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai amené un invité. Oui, je vois. Il est de passage, Ça va et toi hein? Farid. Yes. Farid tout seul. Ouais. Farid tout seul, ouais. Il est où Sama là? Ça y est, tu t'es débarrassé. Il est marié, Sama. Il est marié maintenant. Pareil qu'il est dérangé dans. Ouais, c'est ça. Voilà, il était de passage. Je l'ai pris avec moi en scooter. Je l'ai trouvé à la porte de Clignancourt. Ouais, tu dis, allez, viens. Bon, donc tout est prêt pour passer une bonne soirée. Eh oui, on va passer une bonne soirée. Avec des nouveautés. Des nouveautés, des exclus. L'émission à carton. On est vraiment contents. Et gros big up à Fabien. Fabien qui fait un travail extraordinaire. Fred aussi. Donc ouais. Ça te déchire, ouais. Ça dépend des jours. Donc là, on est là dimanche. À minuit, et bah, Châtelet, Réal, Paris, et on va faire un gros mix. Donc branchez-vous et avec le hashtag Rail Suprême, DJ Case au platine, Fred. Boum. C'est parti, coup d'envoi avec DJ Case. Ah tiens, d'ailleurs, hop. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, je vais balancer l'intro justement du projet en totale exclusivité et ça va démonter. Donc branchez-vous et ça va déchirer. Alors coup d'envoi de l'intro. Coup d'envoi à l'intro DJ Case par en New York 2015 en totale exclu. Boum. C'est parti. Moi je suis Sama, ça dit quoi? Tu vas où cet été? Ça dit rien frère, toi, bah moi je vais au Maroc hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ah ouais, mais c'est la place gros, c'est nouveau. C'est nouveau, et seulement sur Skyrock. Algérien, j'ai le drapeau facile. One, two, three, let's go now.

m'épouser, je veux l'épouser. M'poser, arrêter de racoler. Klaxon, you, robe blanche, cortège, t'es la plus belle. Un samedi du mois de mai, 14h tous à la mairie. Tous mes frérots en Ferrari. Invité de prestige, VIP, que des lourdeurs, grosse dinguerie. Des gains de fou, façon cri-cri. Toi et moi, c'est pour la vie. Nebrik, nebrik, wallahi, m'enchalik. Wanti, ya, hey, ya, galbi, ya, ya, shami, nesmahik. Nebrik. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Fun. صوري سوفري كاب نابوليطانو نكرهنا القاري خلي العديان يقولوا لحقوني الداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو صوري سوفري كاب نابوليطانو نكرهنا القاري خلي العديان يقولوا لحقوني sans les glaces de souliers, le truc chromé, c'est l'ambiance, les frelons sont là. Et pour venir on a mis un gros son de zona. Blédard, c'est 7, 8, 210 sur les plaques. On a des passes, 3 roches à matraque. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bois des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poissons à volonté mais sans alcool. On est plus la dégaine clean, la fête des du R&B. C'est les yo-yo et les yo-yo. Sous les épaules pour que tout roule. Y'a pas d'alcool, que du JB, chacha au bout d'une chicha, entouré de collectifs. Yeah, mais tu le sais, Paris c'est trop petit. Pas trop comme un daron qui fume le kiff dans son sub-si. On mélange les cultures et ça plaît même au bar. Alors on remélange, cache le marocain dans le pain au bar. Me calcule pas, j'suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil. Ils sont toujours en bande. Dans la poche, le grand arrêt. Poursuis dans ta mais ça coupe sur la bande d'arrêt. J'suis genouiné, j'ai du mal à dire mi amor. Tout gay, gay, vis, vis, Maurice, Maurice, si c'est le 13. Poto, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. Laisse la cuque en bruit sur les mains, j'viens préparer une courroie. Baby, habibi, j'ai des idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, j'suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit Anja et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées, j'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute le son si tu t'en concernes. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Rail Suprême le dimanche soir, DJ Case au contrôle pour l'émission et DJ Case près de chez vous aussi. Ouais, près de chez vous. Je vois que tu as sorti, eh ben oui, tu as sorti les dates. Oui, ben alors oui. Qu'est-ce qui va se passer là dans les semaines, dans les jours qui viennent? Eh ben là, cette semaine, là, je vais être du côté du Maghreb, on va tourner quelques clips. Et à mon retour, vendredi 29, je serai à Lille, à la Cirta. Le samedi, c'est à Paris, donc en doublette en première partie au Selex à Porte de Gentilly. Et en seconde partie à la Joya, c'est dans le 95, à Montmorency. Et le dimanche 31, c'est aux Séductions, c'est à Ivry-sur-Seine. Donc week-end parisien pour week-end les parisiens. Voilà, avant le Ramadan. Donc ceux qui veulent un peu s'éclater, bah, profitez-en avec DJ Case, voilà, et voilà. Ceux qui veulent s'éclater aussi dans toute la France, c'est reparti pour une nouvelle session. Allez, on y go. Are you ready? Oussama, ça dit quoi? Tu vas où cet été? Ça dit rien, frère. Bah, moi, je vais au Maroc. Hein. Toi, tu vas où? Ah, ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Hein. Ah, ouais, mais attends, il y a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah, ouais, dimanche tu sais quoi? Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons d'oreilles suprêmes en direct sur Skyrock. Ah, ouais, mais c'est la race, bon, c'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Je vis la nage.

À Paris et c'est fait en pourri. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails. Fraise, vocalichi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps de souper. Me parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde. Même quand je le pousse à bout, on se croirait dans les Simpsons. Les poussiers, je l'appelle la poule. وفي وقت الشدة على كتابي نرفض جبلة أطاري في العدة يا ما خلفت وما نتهدى وفي وقت الشدة على كتابي نرفض جبلة صغري وفهم الموت وما نعيش فيلا سمحي وسئل غرب وصحرا وسيدتي يا غذا يعرفوني Ce qui paraît, je vais me marier. Nah, shaitan. Laissez-moi me casser. Au début, je me suis dit qu'on me faisait une petite blague. Jusqu'à ce que j'entends ma mère me dire Oussama, où est-ce que t'as mis la bague? Mais non, Yema, j'ai pas l'âge pour ça. Et là, je commence à stresser en me demandant ce qui s'est passé. Et en plus, pour la dot, moi, j'ai même pas assez. Je dois avoir du euro caché sous le canapé. Eh oui, j'ai pas de smoky. Tu vas arriver, ils vont tous se moquer. Mais bon, Merli, c'est le mariage dérangé. Yalla, yalla, j'ai la dalle. On va tous se mettre à table. Aujourd'hui, Psaha, c'est mariage de Sama, se marier lui. Je vois mal avec une Larousa. Non, jamais. Sa mère sollicitée, à croire que c'est elle qui va se marier. On entend que des you-you à la cité. Arrivé à la mairie pour féliciter. On voit déjà les darons bourrés. Whisky, Rica. Je vais le cabriolet. J'ai vu Rachia marionnée. Elle a dans les enveloppes d'où Sama et Samra. Sous son 31 avec sa petite abeille. Aujourd'hui t'es super belle. Ah ça veut dire hier Zama j'étais moche. Elle a dit la taille. Tu es jaloux. Des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la page, j'ai Black Eyes mixé. J'suis tellement bien sapé, j'vois tout le monde me fixer. J'vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si, j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Y'a aussi une qui danse comme une abeille. Les plus rap sur la piste, on est tous genouillés. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si j'ai pas invité. Y'a Marc Baby. Y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. Oh my, j'suis marié, mesdames et messieurs. J'vois le daron de Sama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper le gâteau. Bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera Fatima et moi. Sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Skyrock, voilà le rail suprême. Sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Elle me regarde, ya hay, elle a la jalousie. Je suis dans mon jacuzzi. Au fait, j'espère que tu lui as pas donné beaucoup de dot. Elle mérite pas mieux qu'un tagine périmé. Mais non, y'a dis comme ça, je préfère. Alors, yalla, viens faire une loussa à ta maman. Nous parlons mon fils, yalla, félicitations. Hey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, c'est d'ici, c'est de la bête de bombe. Retrouvez-moi dans la compile de l'été Paris, Oran, New York, de mon poteau DJ Case, qui sort le 15 juin dans les bacs. Et rendez-vous le 1er juin pour mon 10e album, Rap Machine. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Elle bosse plus vite que son nom. Nouvelle chose, nouveau sac, nouvelle veste, nouveaux ongles. Nouveau mec, nouvelle pote, nouveau taf chaque seconde. Quand elle est brune, qu'elle est rousse, qu'elle est bleue, qu'elle est blonde. C'est une abuseuse, une abuseuse. Une abuseuse, une abuseuse. Une abuseuse, une abuseuse. Une abuseuse, une abuseuse. Je connais un mec à des tatous partout, mais quel est le but? C'est une carte, une énigme à trouver, c'est quoi le truc? La dernière fois, je le vois tranquille dans le bus. Me parle de son projet de se tatouer l'anus. C'est un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Fais comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Y'a toujours un mec qui abuse. Quand tu danses, pose ton verre. Et quand fait trop, quand fait trop. J'en connais un autre, c'est un tarté de muscu. Tout le temps à la salle, veut qu'on l'appelle Hercule. On travaille que les pecs, il a des jambes minuscules. Mais trois joggings sous ses jeans, c'est ridicule. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Skyrock, rail suprême. Y'avait un mec au quartier musulman depuis 10 minutes. Ex-Kaira dit Inch'Allah toutes les 2 minutes. C'est laissé pousser la barbe, j'ai là-bas tout le truc. Mais peut dire dans la même phrase, Hamdoulaye, fils de pute, répond au phone à la mosquée en t-shirt Ketmos. Toujours son mini courant dans la banane, la cosse. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Un abuseur, un abuseur. Comme si c'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Y'a toujours un mec qui abuse. Quand tu danses, pose ton verre. Et quand fait trop, quand fait trop. T'en fais trop. En soirée, j'ai vu des danseurs, des gros abuseurs qui smurfent et qui break de 23h à 6h. Des gros transpireurs, des jamais arrêteurs qui dansent tout seuls sur la piste, qu'on pas peur. C'est des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Des abuseurs, des abuseurs. Et ceux qui graillent, des gros abuseurs. Au McDo, c'est 3 menus, en best-of et 3 desserts. Salade, tomate, oignon, toutes les sauces, toutes les viandes. Bien sûr qu'il veut des frites, frérot, pourquoi tu demandes? C'est vas-y, rageux, Andalouse, Sultan. Vas-y, vas-y, Nutella, menthe, paprika, tout girofle. Comme si C'était la boîte à ton père. T'en fous partout. Tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Y'a toujours un mec qui abuse. Quand tu danses, pose ton verre. Et quand fais trop, quand fais trop. T'en fais trop, t'en fais trop. Y'a toujours un mec qui abuse. Et quand fait trop, quand fait trop. On sait que tu rentres. Et c'est déjà la fin de ce c'est déjà la fin. Ouais. Moi, je me suis éclaté. En plus, il y a Farid qui faisait des pas de danse. Ah bah, magnifique, qui magnifique. Danse très très bien le kabyle, Farid. Ouais. Grande classe dans les pas de danse. Hein. Ah, grand merci, pas de danse. Franchement, moi, il m'a distrait là pendant une heure. Là, c'était la discothèque, chicha, tout ça. Vraiment la classe. On était bien pendant une petite heure. Très très bien. Et bon, bah, salut Farid d'être passé aussi. Merci, merci, ouais, avec son titre qui cartonne avec Oussama, c'est Mariage dérangé. Vous pouvez le découvrir sur YouTube pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et puis, je sais pas pour toi, l'actu, c'est, je crois, il y a un nouvel album d'ailleurs qui va arriver pendant l'été. En juillet. Le 20 juillet, un album. 20 juillet, ouais, un album. Ah bah ouais. Voilà, 20 juillet. Ben un mois pratiquement après la sortie du. Exactement. Projet Case. Donc il y a le mien d'abord dans lequel ils sont présents et juste après le leur et voilà. Donc moi par New York c'est le 15 juin, 32 titres. 32 inédits, là on a fait péter l'intro. Et voilà des gros noms, vous pouvez voir le tracklist un peu sur internet. J'ai balancé les blazes et tout ça. Il y a du Niro, Ice MC, Gizmo, les meilleurs du rap du français. Très, très lourd. Voilà, très lourd, les meilleurs du rail. Et ça sort le 15 juin. Donc restez branchés, ça va être la méga violence. Merci Case, merci Farid et merci à vous tous. Passez une bonne soirée, le son ça continue sur Skyrock. Here we go! Rap and R&B.